référendo au BTA, l'artiste confirmé. Bogbemi, la grande famille à Manchester. Viens danser les scènes, tu connais pas ce que t'as gagné.